Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. Le championnat du monde de pétanque va se dérouler, va avoir lieu dans 15 jours. Déjà, ça approche à grands pas et ça va avoir lieu à Desbiens. Question de savoir un peu comment que ça se passe, l'organisation, parce que moi, j'étais très très intrigué pour savoir comment que les gens de Desbiens allaient réagir lorsqu'ils allaient avoir une rencontre de paroissiens. On parle avec le maire de la municipalité de Desbiens, Nicolas Martin. Salut, Nicolas. Oui, bonjour, Dan. Nicolas, comment ça a marché finalement? Est-ce que du côté de la population, comment qu'on vit ça là, actuellement? Parce que c'est dans 15 jours, c'est un des gros événements de l'histoire du lac Saint-Jean. Et finalement, Desbiens, ben, c'est à Desbiens, une petite municipalité de 1000 personnes. Comment les citoyens ont réagi face à ça? Ben, tu sais, honnêtement, on a eu une très, très belle réponse des citoyens. Il y a eu près de 300 personnes qui sont présentées lors de notre rencontre avec les citoyens. Les gens, écoutez, étaient très enthousiastes. On a recueilli près de 100 bénévoles de plus ce soir-là. Okay. Donc, les gens ont bien compris que c'est un événement d'envergure et qu'ils voulaient s'impliquer. Ils sont très, très fiers d'avoir fait des biens. Honnêtement, là, la soirée avec les paroissiens, ça a été un boost pour toute notre équipe là, qui travaille depuis avec Assemblement depuis près d'un an. Il y en a pas qui ont posé des questions, qui ont eu peur concernant peut-être l'endettement, parce que c'est quand même très gros pour une municipalité. Là. Il y en a, parce que tu sais que ça fait pas l'unanimité des gros projets de même, mais il y en a-tu qui ont posé des grosses questions là-dessus? Non, honnêtement, là, les gens là, étaient contents. Okay. Après, on leur a parlé, ils ont dit qu'ils étaient contents de voir tout ce qui était mis en place, l'ampleur que ça avait. Ce qu'il faut comprendre, nous, là, ce projet-là, là, écoutez, on va le faire. On a ramassé beaucoup, beaucoup de sous. On a eu beaucoup de partenaires qui ont embarqué avec nous. Mais on va le faire, que ce soit un projet, justement. On va faire avec ce qu'on a. Autrement dit, là, si les endroits qu'il faut couper, ben, on va le couper. Mais on va arriver dans notre budget au final. C'est ça l'important. C'est de faire un championnat mondial le mieux réussi possible, mais à moindre coût également. OK. Là, la dernière fois qu'on s'est parlé, il manquait encore de l'argent. Tu espérais beaucoup que du côté du fédéral, ça allait débloquer. Est-ce que ça a débloqué? Ben là, au niveau du fédéral, écoutez, moi, j'ai eu une bonne discussion avec M. Hébert aujourd'hui. Là. Puis les gens m'ont dit qu'ils n'avaient rien fait pour nous trouver une somme d'argent dans un des programmes. Là. Mais on a Jean Dumas, multifonctionnaire, qui a embarqué avec nous, qui a eu un bon montant d'argent, M. Jean Dumas. J'ai tiens à le remercier. De plus, cette place de spectacle, cette place de festival va se nommer la place Jean-Dumont Multifonctionnaire. OK. Il a embarqué avec nous, et on a un bon partenaire financier avec nous dans cette aventure-là. Là, donc, j'imagine que là, déjà, c'est pas mal assuré quoi qu'il arrive, là, c'est ça? Ben, écoutez, comme j'ai mentionné, là, on regarde toute l'enveloppe du projet, on essaie certains coûts qu'on essaie de diminuer, mais on n'est pas loin de l'ensemble du financement. Il nous manquait, je vous dirais, à peu près là, 50 000 pour arriver. Là, donc, on espère que le fédéral là, va agir là, parce qu'il faut comprendre, les pays-là, eux, oui, ils viennent au Québec, mais après ma mort, ils viennent au Canada jouer. Là. Okay. Là, c'est le Canada aussi qui viennent jouer parce que les pays qui viennent de partout, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe. Et pour eux, le Canada, c'est le pays emblématique. Là. OK, ben c'est sûr, c'est pas le Québec. Le Québec est connu un petit peu, mais pas partout, là. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant à 15 jours de l'événement? Du côté préparation, l'équipe canadienne est-tu arrivée? Comment ça s'est? Bon, ben écoutez, ce qu'il reste à faire, c'est que nous, présentement, en fin de semaine, dimanche, l'immense chapiteau qui va couvrir les terrains arrive. Donc, un coup que ce chapiteau-là va arriver, toute l'infrastructure de terrain et d'estrade va être montée la semaine prochaine pour la partie terrain. Également, la semaine prochaine, le chapiteau pour la partie spectacle, parce qu'il y a trois soirs de Québec Sim, trois spectacles de Québec Sim. Incroyable, le premier soir, le spectacle est gratuit en plus. Il va y avoir 2000 billets d'émis, édition limitée. On va faire tirer des billets un peu partout. Donc, ils ont structuré les billets, vont pouvoir assister à l'ouverture également avec les 50 pays qui vont rentrer dans la place. Après ça, le vendredi, il y a un spectacle qui s'appelle Partie Rural du Québec Style. Le samedi, il y a un autre spectacle, c'est Cowboy. Donc, ça va être l'enfer le côté spectacle. De plus, on fait la plus grosse tourbière au monde. On fait homologuer, le retour Guinness va être sur place. Ah, c'est bon ça? Homologuer la plus grosse tourbière au monde. Elle va être cuite sur le bois pendant, je vous dirais, près de 16 heures. Puis, on va servir 4000 personnes avec la tourbière. Donc, on invite tout le monde à venir manger de la bonne tourbière, l'emblème du lac Saint-Jean. Ben ouais. On va faire le record Guinness cette fin de semaine-là. OK. Donc, ça va être quoi? C'est quoi le record, Nicolas, en passant? C'est quoi le record? Le record mondial, c'est celui de... Là, les autres, c'est un genre de pâté. Ouais, c'est pas mal fait le sport qu'on appelle. C'est la grosseur que les autres, qui disent qu'il est de 1800 livres. Mm. Nous, notre tourtière va peser 3500 livres. Et tabarouette! On devrait battre le record, mais là, présentement, on essaie de trouver des gens qui vont nous donner un coup de main parce que, vu que la tourtière a cuit pendant près de 16 heures, ben, faut peser le plat avant. Puis, quand on va lever le plat, il y a un risque que la tourtière, que le plat se brise, parce qu'il va avoir été chauffé, va être fragilisé. Donc, s'il y a des ingénieurs, des patenteux qui nous écoutent, ben, ils peuvent peut-être trouver des idées avec nous, là, si on est à la recherche d'idées et de solutions pour peser cette tourtière-là présentement. OK, c'est fabuleux, 3000. Hey, quand est-ce que tu vas commencer à faire? Ben, nous, les gens, là, ils préparent déjà les produits, tout ça présentement, mais. La veille, le vendredi soir, elle va décoller la tourtière dans la nuit. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on a des gens qui, toute la nuit, tiennent, mettent des bûches de bois sur la tourtière pour l'alimenter, donc en feu toute la nuit, sous un feu roulant, jusqu'à le lendemain dans l'après-midi. Donc, monsieur. Il y a à peu près 6 chaudières de feu qui chauffent la tourtière. Donc, c'est un plat qui est rectangulaire, qui est très, très long. Puis on peut servir près de 4000 personnes, donc ça va être tout qu'un événement pour les gens. Ouais, c'est juste ça, c'est complètement capoté, là. Du côté des terrains, tout va bien de ce côté-là, vous avez été quand même homologué, tout est beau du côté de la fédération? Ben pour la pétanque, écoutez, comme je vous dis, on monte au chapiteau, on a installé toutes les affaires en fin de semaine, ça commence. Le ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit. On fait nos terrains, nous autres, ainsi de suite, puis... Ça nous prend deux chapiteaux, un immense et un autre plus petit. Il y en a qui va contenir 17 terrains, l'autre à côté va contenir 7 terrains. Ils vont être reliés ensemble pour faire un genre de stade de pétanque. Puis là, le dimanche, la télévision européenne, les droits de diffusion sur ça, donc ça va être diffusé en direct en Europe, sur pratiquement toute l'Europe. La finale de la pétanque. Ah, c'est toute une initiative. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Donc, on va s'en reparler d'ici 15 jours dans la semaine qui va célébrer. La semaine prochaine, j'aimerais parler avec le... On était supposé me mettre en communication avec les joueurs canadiens. On va vous mettre en communication des joueurs canadiens puis d'autres joueurs à travers le monde, M. Dan, qui vont arriver ici. Là. Puis, dans la semaine du... Vers le 9, les délégations commencent à arriver. Puis quand les délégations vont arriver, on va vous mettre en direct avec eux, là, comme la délégation de la France, qui sont une trentaine. Là. Donc, on va vous les envoyer directement chez vous, parce que c'est très, très bon. On va vous envoyer ces gens-là. On va être là pareil à des biens pour ce niveau-là. Nicolas Martel, félicitations encore une fois, puis on se reparle très, très bientôt. Merci beaucoup. Nicolas Martel, le maire de Desbiens.